Premier livre des Rois, chapitre 22. Or on demeura 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. Puis il arriva en la 3e année, que Josaphat roi de Juda étant descendu vers le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas bien que Ramoth de Galaad nous appartient, et nous ne nous mettons point en devoir pour la retirer d'entre les mains du roi de Syrie ?» Puis il dit à Josaphat, « Ne viendras-tu pas avec moi à la guerre contre Ramoth de Galaad ?» Et Josaphat répondit au roi d'Israël, « Fais ton compte de moi comme de toi, et de mon peuple comme de ton peuple, et de mes chevaux comme de tes chevaux. » Josaphat dit encore au roi d'Israël, « Je te prie qu'aujourd'hui tu t'enquières de la parole de l'Éternel. » Et le roi d'Israël assembla environ 400 prophètes, auxquels il dit, « Irai-je à la guerre contre Ramoth de Galaad, ou m'en éloigne-je ? » Et ils répondirent, « Monte, car le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il point ici encore quelques prophètes de l'Éternel, afin que nous l'interrogions ?» Et le roi d'Israël dit à Josaphat, « Il y a encore un homme pour s'enquérir de l'Éternel par son moyen, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon, mais du mal, quand il est question de moi, c'est Michée fils de Jean-là. » Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle point ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque auquel il dit, « Fais venir en diligence Michée fils de Jean-là. » Or le roi d'Israël, et Josaphat roi de Juda étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits, dans la place, vers l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient en leur présence. Et Tzidkija fils de Kenaana, s'étant fait des cornes de fer, dit, « Ainsi a dit l'Éternel, de ces cornes si tu heurteras les Syriens, jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes, en disant, « Monte à Ramoth de Galaad, et tu réussiras, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Or le messager qui était allé appeler Michée, lui parla, en disant, « Voici maintenant, les prophètes prophétisent tous d'une voix du bonheur au roi, je te prie que ta parole soit semblable à celle de l'un d'eux, et prophétise-lui du bonheur. » Mais Michée lui répondit, « L'Éternel est vivant, que je dirai ce que l'Éternel me dira. » Il vint donc vers le roi, et le roi lui dit, « Michée, irons-nous à la guerre contre Ramoth de Galaad, ou nous en désisterons-nous ? » Et il lui répondit, « Monte, tu réussiras, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Et le roi lui dit, « Jusqu'à combien de fois te conjurerai-je, de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Et il répondit, « J'ai vu tout Israël dispersé par les montagnes, comme un troupeau de brebis qui n'a point de pasteur, et l'Éternel a dit, « Ceux-ci sont sans seigneur, que chacun s'en retourne dans sa maison en paix. » Alors le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne t'ai-je pas bien dit que quand il est question de moi il ne prophétise rien de bon, mais du mal ?» Et Michée lui dit, « Écoute néanmoins la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant devant lui, à sa droite et à sa gauche. » Et l'Éternel a dit, « Qui est-ce qui induira Achab, afin qu'il monte et qu'il tombe en Ramoth de Galaad ?» Et l'un parlait d'une manière, et l'autre d'une autre. Alors un esprit s'avança, et se tint devant l'Éternel, et dit, « Je l'induirai. » Et l'Éternel lui dit, « Comment ?» Et il répondit, « Je sortirai, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » Et l'Éternel dit, « Oui tu l'induiras, et même tu en viendras à bout, sors, et fais l'ainsi. » Maintenant donc voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces tiens prophètes, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Tzidkija fils de Kenaana s'approcha, et frappa Michée sur la joue, et dit, « Par où l'Esprit de l'Éternel, s'est-il retiré de moi pour s'adresser à toi ?» Et Michée répondit, « Voici, tu le verras le jour que tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Alors le roi d'Israël dit, « Qu'on prenne Michée, et qu'on le mène vers Ammon, capitaine de la ville, héberge-toi le fils du roi, et qu'on leur dise, « Ainsi a dit le roi, mettez cet homme en prison, et ne lui donnez qu'un peu de pain à manger, et un peu d'eau à boire, jusqu'à ce que je revienne en paix. » Et Michée répondit, « Si jamais tu reviens en paix, l'Éternel n'aura point parlé par moi. » Il dit aussi, « Entendez cela peuple, vous tous qui êtes ici. » Le roi d'Israël donc monta avec Josaphat roi de Juda contre Ramoth de Galaad. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, « Que je me déguise, et que j'aille à la bataille, mais toi, revêt-toi de tes habits. » Le roi d'Israël donc se déguisa, et alla à la bataille. Or le roi des Syriens avait commandé aux 32 capitaines de ses chariots, en disant, « Vous ne combattrez contre qui que ce soit petit ou grand, mais contre le seul roi d'Israël. » Il arriva donc que dès que les capitaines des chariots eurent vu Josaphat, ils dirent, « C'est certainement le roi d'Israël », et ils se détournèrent vers lui pour le combattre, mais Josaphat s'écria. Et sitôt que les capitaines des chariots eurent vu que ce n'était pas le roi d'Israël, ils se détournèrent de lui. Alors quelqu'un tira de son arc de toute sa force, et frappa le roi d'Israël entre les tassettes et les harnais, et le roi dit à son cocher, « Tourne ta main, et mène-moi hors du camp, car on m'a fort blessé. » Or la bataille fut très grande en ce jour-là, et le roi d'Israël fut arrêté dans son chariot vis-à-vis des Syriens, et mourut sur le soir, et le sang de sa plaie coulait sur le fond du chariot. Et sitôt que le soleil fut couché, on fit crier par le camp, en disant, « Que chacun se retire en sa ville, et chacun en son pays. » Le roi donc mourut, et fut porté à Samarie, et y fut enseveli. Et on lava le chariot au vivier de Samarie, et les chiens léchèrent son sang, et aussi quand on lava ses armes, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Le reste des faits d'Achab, tout ce, dis-je, qu'il a fait, et quant à la maison d'ivoire qu'il bâtit, et à toutes les villes qu'il bâtit, toutes ces choses ne sont-elles pas écrites au livre des chroniques des rois d'Israël? Ainsi Achab s'endormit avec ses pères, et Achazia son fils régna en sa place. Zéroër Josaphat fils d'Aza, avait commencé à régner sur Juda, la quatrième année d'Achab, roi d'Israël. Et Josaphat était âgé de 35 ans, quand il commença à régner, et il régna 25 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Azuba, fille de Sili. Et il suivit entièrement la voie d'Asa son père, et il ne s'en détourna point, faisant tout ce qui est droit devant l'Éternel. Toutefois les hauts lieux ne furent point ôtés, le peuple sacrifiait encore, et faisait des encensements dans les hauts lieux. Josaphat fit aussi la paix avec le roi d'Israël. Le reste des faits de Josaphat, et les exploits qu'il fit, et les guerres qu'il eut, ne sont-elles pas écrites au livre des chroniques des rois de Juda? Quant au reste des prostituées, qui étaient demeurées depuis le temps d'Asa son père, il les extermina du pays. Il n'y avait point alors de roi en Édom, le gouverneur était vice-roi. Josaphat équipa une flotte de Tarsis, pour aller quérir de l'or à Ophir, mais elle n'y alla point, parce que les navires furent brisés à Etsion-Guébé. Alors Achazia fils d'Achab dit à Josaphat, « Que mes serviteurs aillent sur les navires avec les tiens », mais Josaphat ne le voulut point. Et Josaphat s'endormit avec ses pères, et fut enseveli avec eux en la cité de David son père, et Joram son fils régna en sa place. Achazia fils d'Achab commença à régner sur Israël à Samarie, la 17e année de Josaphat roi de Juda, et il régna 2 ans sur Israël. Et il fit ce qui déplaît à l'Éternel, et suivit le train de son père, et le train de sa mère, et le train de Jéroboam fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal, il se prosterna devant lui, et il irrita l'Éternel le Dieu d'Israël, comme avait fait son père.